إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله نحن والله أحوج ما نكون إلى شهر الصيام والقيام شهر الترتيل والقرآن شهر الركوع والسجود شهر الذكر والمحامد شهر البعد عن النزاعات والملذات نعم والله إنه شهر تحقيق التقوى لمالك العلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين فما أحوجنا عباد الله إلى أن يهبنا الله سبحانه وتعالى من واسع مغفرته ورحمته عباد الله نحن واقفون على أبواب رمضان وكلنا أمل وكلنا أمل في عفو الرحمن وقفنا وقد أثقلتنا ذنوبنا وغلبت علينا شقوتنا فيا أرحم الراحمين لا تجعلنا عن بابك مترودين ولا من فضلك وإحسانك مرحومين آمنا بقولك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وبقولك في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي فاستفتحوا يا عباد الله شهركم بتوبة صادقة نصوح فمن المسلمين من لا يعرف فضل هذا فمن من المسلمين لا يعرف فضل الشهر وقدره أليس هو سيد الشهور وخيرها بلى والله ألم يقل الله تعالى سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر افترض الله على عباده صيامه وجعله أحد أركان الإسلام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما ثواب الصائمين فذاك مرده إلى أكرم الأكرمين، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، رواه مسلم. حقا رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، ففي حديث حسن أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت: آمين. شهرنا شهر القيام والتراويح، فاعمروه كله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب لمن قام كله إيمانا واحتسابا لا بعضه، فتنبهوا لذلك، فلا تفرط في ليلة من لياليه. رمضان يا عباد الله شهر القرآن، فقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل ليلة فيدارسه القرآن. فرطبوا ألسنتكم بتلاوته، وزكوا نفوسكم بتدبره. عباد الله، الجود والإنفاق مرتبط برمضان، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فأطعموا الطعام، وجودوا على الفقراء، وأغنوهم عن المسألة، وفطروا الصائمين، وكونوا من المنفقين. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه وأخلف له خيرا. فهذا شهركم، شهر رمضان، شرفه الله وفضله، أنزل فيه القرآن، فرض صيامه على الأنام، جعله موسما عظيما من مواسم العفو والغفران. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا وفضيلة. فرضه سبحانه لتهذيب النفوس من الرذائل، وتحليها بالفضائل، والبعد عن كل خلق ذميم ومرتع وخيم. فضله سبحانه على كثير من القربات والطاعات، ورفع منزلته وميزه على أنواع العبادات بقوله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام يقوي إيمان المسلم، وتزكو نفسه بالتقوى، ويعظم قدره بالصبر، فإيمان المسلم يجعله يبادر إلى الصيام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالتقوى يبتعد المسلم عما نهى الله عنه مما يؤثر في الصيام من سب وشتم أو طعن في الأعراض أو انتهاك للمحرمات. عباد الله، إن شهركم هذا موسم من مواسم التجارة مع الله، شهر عظيم تفتح فيه أبواب الرحمة والخيرات وتغلق أبواب الجحيم وتكفر السيئات، فينبغي لنا اغتنامه وعدم التفريط فيه، فما هو إلا أيام قلائل يفوز بها العاملون ويربح المتقون ويخسر فيها المذنبون ويحرم منها المفرطون، ومن اتجر فيه مع مولاه نال ما يمتازه وفاز بمغفرة ما تقدم من ذنبه وعتق رقبته من النار. فصونوا عباد الله، صونوا فيه عباد الله أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم عن اللغو والرفث والفحش وقول الزور. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وطهروا ألسنتكم عن الكذب والغيبة والنميمة والطعن في أعراض إخوانكم المؤمنين، فليس الصيام تركا للطعام والشراب فحسب، ولكنه مع ذلك صيام عن اللهو والرفث، وصيام عن السباب والشتائم، صيام عن أكل أموال الناس بالباطل، صيام عن تناول الحرام، صيام عن الطعن في أعراض الناس وعن التعرض لهم بالأذية بالقول أو الفعل. جاهدوا أنفسكم عباد الله على الطاعات ولزوم الجمع والجماعات والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه والتدبر لمعانيه والعمل بما فيه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه والطمع في وعده والخوف من وعيده والتصديق بخبره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والتخلق بأخلاقه. ولقد كان يكثر التلاوة في رمضان أكثر من غيره، وقد كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن كل سنة في رمضان. وفي السنة الأخيرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه جبريل القرآن مرتين. ولقد كان يحث أصحابه على تلاوته ويرغبهم فيه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واعلموا رحمكم الله أن للصوم آدابا، ومنها كف النظر عن الحرام وحفظ اللسان عن الآثام والإفطار على الحلال، وأن يعجل فطره ويؤخر سحوره، وأن يكون الفطر على رطب وألا ومن لم يجد فعلى تمر وإن لم يجد فعلى ماء. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرأ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. فاحفظوا رحمكم الله صيامكم، وأخلصوا نياتكم وأعمالكم، واتقوا الله عباد الله، واعرفوا قدر شهركم الكريم، واغتنموا فيه الليالي والأيام بالتوبة والاستغفار. وقد ثبتت رؤية الهلال اليوم، فسنبدأ شهر رمضان بإذن الله غدا يوم السبت إن شاء الله. فبعد العشاء اليوم سنبدأ بالصلاة، صلاة التراويح بعد العشاء بإذن الله، فسنقيم الصلوات في هذا المسجد بإذن الله طول هذا الشهر. فندعوكم أجمعين للمشاركة معنا في فعل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, nous avons besoin du mois de Ramadan, comme nous avons besoin de ce mois de prière, ce mois de récitation du Coran, ce mois d'inclinaison, de recours et de sujoud, de prosternation, un mois rempli de rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, un mois dans lequel on doit s'éloigner des disputes et des problèmes et des plaisirs et des désirs, et de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de réaliser la signification de la piété, at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, on vous a ordonné le jeûne, comme il a été ordonné à ceux qui vous ont précédé, pour que vous puissiez atteindre la piété, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire qu'est-ce qu'il vous a ordonné et de vous écarter de ce qu'il vous a interdit, par espoir pour sa récompense et par crainte pour son châtiment. Il a été rapporté dans le hadith, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque rentre le mois du Ramadan, les portes de la miséricorde sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, et les diables sont enchaînés. Comme on a besoin donc de ce mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa miséricorde et de son pardon qui est immense et large. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait cette grâce. Et donc c'est à nous qui nous tenons aux portes de ce mois béni, de remplir les espoirs que nous avons en faisant des efforts pour obtenir le pardon et la miséricorde du tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Car les péchés nous ont alourdis et nous ont détournés de beaucoup de nos obligations. Et donc c'est à nous de profiter de cette miséricorde et de ce pardon dans ce mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô mon serviteur qui a dépassé les limites contre sa propre âme, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah, certes, Allah pardonne tous les péchés, il est certes le pardonneur et le miséricordieux. Et donc, c'est bien de commencer ce mois de Ramadan par une repentance sincère, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés. Il a été rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith Qudsi, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu as espoir en moi, je vais te pardonner. Je vais te pardonner ce que tu as fait comme péché. Et cela m'est égal. Ô fils d'Adam, même si tes péchés étaient aussi grands que jusqu'à atteindre le ciel, puis que par la suite tu me demandais pardon, eh bien je te pardonnerai et cela m'est égal. Ô fils d'Adam, si tu venais vers moi avec la quantité de péché équivalente à la grosseur de la terre, puis que tu me rencontres sans rien avoir fait comme shirk avec moi, et sans avoir associé quoi que ce soit avec moi, eh bien je te ramènerai la quantité équivalente de pardon. Et ça c'est pour nous montrer la grandeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a pas de péché trop grand pour que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et donc la seule chose que nous avons à faire, c'est d'être sincères dans notre repentance, sincères dans notre demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et donc tout le monde connaît l'importance de ce mois, le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, dans lequel il y a de la guidance pour les hommes et un discernement pour distinguer entre le vrai et le faux. Donc, c'est une guidance et nous devons profiter de cette guidance et la suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis que nous serions pardonnés tous les péchés de l'année précédente ou tous nos péchés précédents. C'est pour celui qui prie pendant le Ramadan, pour celui qui fait le jeûne du Ramadan, pour celui qui prie les nuits du Ramadan, et pour celui qui prie la nuit de la destinée, que tous ses péchés précédents lui seraient pardonnés. C'est un mois que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de jeûner, et dans lequel nous devons profiter pour faire tous les actes de bien. Parce que les œuvres durant le Ramadan ont une valeur inestimable. Et ce n'est pas comme le reste de l'année. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans un hadith que les œuvres que font les hommes, que font les croyants, ils sont multipliés le reste de l'année. Soit 10 fois plus, jusqu'à 700 fois plus la valeur de l'action. Jusqu'à plus que ça encore. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait combien de fois il multiplie la valeur de nos bonnes œuvres, sauf le Ramadan. C'est lui, c'est pour lui, et c'est lui qu'il va le récompenser. C'est-à-dire, c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner pour ce jeûne sa récompense. Et donc, sa récompense, on ne peut même pas l'imaginer, tellement elle est grande. Et une des raisons pour cela, c'est parce que le jeûne est relié à la patience et à l'endurance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de l'endurance et à propos des patients et des endurants, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner aux endurants leur récompense sans calculer. Et donc ça veut dire qu'on ne peut même pas imaginer toutes les récompenses qui nous attendent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que le jeûneur, il aura deux plaisirs, deux joies, lorsqu'il va briser son jeûne et lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Et il a même mentionné que la mauvaise odeur qui sort de sa bouche, elle est plus bonne pour Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du misc. Et donc il faut savoir que celui qui a eu le privilège d'être vivant durant ce mois et d'être en bonne santé durant ce mois et de l'avoir jeûné mais qu'il n'en a pas profité et que ça n'a pas été une occasion pour lui d'être pardonné et d'obtenir d'Allah son pardon, alors certes, il est un perdant. Et donc c'est le moment de faire les efforts et les sacrifices nécessaires, de se dépasser, de faire le plus grand effort possible pour être le meilleur, hein, d'être au meilleur de nous-mêmes, d'essayer de se pousser plus qu'à l'habitude pour faire plus de bonnes œuvres que ce qu'on fait d'habitude. En faisant les prières de la nuit, en essayant de réciter le Coran, et bien entendu la récitation du Coran, c'est pas seulement de lire les lettres, même s'il y a une récompense dans le fait de lire les lettres, mais c'est bien entendu de méditer sur sa signification, de réfléchir sur ses sens et de le mettre en application dans nos vies pour que le Coran soit comme un phare pour nous guider dans les ténèbres de la nuit. Et donc profitons de ce mois béni en également en s'écartant des interdictions, en s'écartant des choses qui sont mauvaises, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, de regarder des choses haram, d'écouter des choses haram. Protégeons nos sens, nos ouïes, notre vue pendant ce mois pour être sûr que rien ne va diminuer notre jeûne et sa valeur. Profitons également de ce mois pour être généreux et pour donner à ceux qui sont nécessiteux et ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui ont besoin d'aide, de les aider. Et d'être bon envers les gens par la parole et par nos actions. De faire beaucoup d'aumône, de charité, de sadaqat, car les sadaqat dans le mois de Ramadan ont plus de valeur que dans les autres mois, et plus récompensés par Allah que dans les autres mois. Profitons-en de nourrir les jeûneurs, de nourrir les pauvres, d'aider les gens dans la difficulté dans le monde, surtout lorsqu'il y a des situations de guerre, des situations où des gens sont des réfugiés, où sont des gens qui ont été chassés de leur pays et qui n'ont plus rien, de leur venir en aide durant ce mois, c'est une occasion d'obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala la grâce, le pardon et la miséricorde. Et donc faites des efforts. Faites des efforts pendant ce mois-là pour que vos adorations soient multipliées. Écartez-vous des choses haram et faites des efforts pour vous accrocher à l'adoration. Si vous avez de la difficulté à faire des efforts pendant le mois ou bien dans l'année en général, essayez de chercher des moyens qui vont vous encourager à rester plus ferme dans votre religion. Et un des bons moyens pour ça, c'est de vous trouver des bons compagnons, des amis qui vont vous aider dans la foi, qui vont vous aider dans l'islam, qui vont vous encourager à faire le bien, qui vont vous appeler pour vous réveiller pour la prière, qui vont vous appeler pour vous inviter pour sortir, pour aller faire la prière à la mosquée, et non pas des amis qui vont vous encourager à être négligent et à vous détourner de vos obligations et à vous amuser au lieu de profiter de l'adoration. Et donc pour terminer, j'aimerais donc vous mentionner et vous annoncer que le croissant de la lune a été vu aujourd'hui, et donc il sera officiellement déclaré que demain, samedi, sera la première journée du mois de Ramadan. Donc demain, le 27 mai, samedi, sera le premier jour du mois de Ramadan. Et ce soir, on va faire la première nuit de prière de Tarawih ici à la mosquée d'Un-Nurayn. Et donc, vous serez les bienvenus pour venir, Inch'Allah, faire vos prières avec nous et passer ce mois, Inch'Allah. Et ceux qui désirent, par exemple, pendant les jours de Ramadan, qui désirent ramener de la nourriture pour nourrir des jeûneurs ici à la mosquée, on peut organiser ça Inch'Allah, vous avez juste à venir nous voir et planifier ça à l'avance, Inch'Allah, et on va essayer de faire notre possible pour faire que on puisse profiter de ça. Bi'idhnillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وأعنا على القيام والصيام وفعل الخيرات في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم